Tant pis, tu connais mon adresse. Tant pis, tu connais mon adresse. Tant pis, tu connais mon adresse. Tant pis, tu connais mon adresse. Moi, c'est l'ovni venu d'ailleurs. 135 tubes dans le mitrailleur. J'écoute du She's on fire. Dans une platine, c'est mon empire. J'suis tout fumé, il me reste un cul. J'suis un peu en crise, mais j'reste tranquille. Pourquoi on s'embrouille, je ne sais même plus. Je ne calcule plus les problèmes, j'empile. Quand tu réussis, qui te voit trop bien. Les malheureux te maudissent, ils sont pleins de tir, mon frère, tu es mon sang. Mais quand tu rentres, personne cotise. Il a voulu prendre le guidon, il a fini par terre. Puis s'habiller en Louis Vuitton, mais dans le compte, il est à terre. Ils ont pris le dos d'un à trois, ils ont niqué le carter. L'équipe y tourne dans le secteur, ça fait plus d'un quart. On zone, on traîne, on représente ce qu'on aime. Le J, un homme dans les rues, je me prends pour Iconen. Les gens connaissent, ils savent que je porte mes coronets. Tu tic, rabaisse, au pire tu connais mon adresse. Gros ara des ténèbres, y'a même des cifs derrière les fenêtres. Tu me tournes le dos, bro, on s'est vu naître. Dis dans quel camp, toi, tu crois que t'es net. Ce style de musique, c'est moi, je l'ai fait naître. Laissez passer le rappeur à trois lettres. Espèce de petit con, qu'est-ce que tu es parti faire là dans les toilettes? Je compresse là, je tire trois lattes. Je sors du check, je me taille en balade. Profitez de mon silence, mettons le retour, ouais, pour vos malades. Alors le sang, tu m'as blessé, ça m'a servi de leçon. Ouh, Samson, je descends. Je peux changer toujours le même garçon. Alors le sang. Tu m'as blessé, ça m'a servi de leçon. Ouh, Samson, je descends. Je peux changer toujours le même garçon. On zone, on traîne, on représente ce qu'on aime. Le J, un homme dans les rues, je me prends pour Iconen. Les gens connaissent, ils savent que je porte mes coronets. Tu tic, rabaisse, au pire, tu connais mon adresse. Roulé dans, dans, dans, dans, dans, je veux même faire bouger ton, ton, ton, ton. Je dis rien, je vois tout, j'entends, ton, ton, et je bois de l'alcool de temps en temps. Grosse Lamborghini pour le clip, pas de folle en bikini. Souvent celui qui manquini, souvent celui qui parle pas qui nique. J'te taquiné quand j't'ai vu sur sa kakini. La frange, le vernis, tu faisais ta belle dans la mini. Bientôt minuit, là la drogue faut que j'diminue. C'est vrai que t'es mimi, tu veux me parler, là j'ai 10 minutes. On zone, on traîne, on représente ce qu'on aime. Le J, un homme dans les rues, j'me prends pour Iconen. Les gens connaissent, ils savent que je porte mes coronets. Critique, rabaisse, au pire tu connais mon adresse. On zone, on traîne, on représente ce qu'on aime. Le J, un homme dans les rues, je me prends pour Iconen. Les gens connaissent, ils savent que je porte mes coronets. Critique, rabaisse, au pire tu connais mon adresse.